Je réfléchis. Attends, je réfléchis. Je réfléchis. C'est grandiose. Ah, la chanson, c'était. Putain, je me rappelle pas, c'est grave, hein. Oula, Alzheimer. On me rattrape. Envoie un truc, t'as raison. Allez, on va faire improvisation. Ça va me revenir. Celle-là. Summertime. Bébé, je suis sûre que tu vas faire des miracles. Version ninja, bien sûr. On n'est pas obligé de faire pareil.